طيب on commence inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui dans l'explication du troisième vers dans la Aqidah de l'imam Ibn Abi Daoud Al-Ha'iyya et le vers qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est le vers qui dit وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَدْقِيَاءُ وَأَفْصَحُ. C'est-à-dire que l'imam Ibn Abi Daoud, il dit aux gens de la foi, aux musulmans, aux gens de Ahl al-Sunnah, yani que s'ils veulent avoir une bonne aqidah et une bonne croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent dire la parole que tous les pieux ont dit, la parole que tous les pieux ont dite, c'est-à-dire وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا, c'est-à-dire la parole de notre maître Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas créée. Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses attributs. Et donc, aucune de ses attributs et rien de ses attributs ne peut être créé. Et donc, on s'était arrêté hier dans l'explication de la parole du Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là, lorsqu'il mentionnait que certains individus ou certains auteurs contemporains avaient essayé de dénigrer l'importance de cette question et ils avaient essayé de mentionner que c'était exagéré, que la position de certains des imams avait été exagérée à ce sujet-là. Et le Cheikh, il a réfuté cette idée-là. Et il mentionne un autre point également parmi ce que disent certains. Ils disent وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَنَّاسُ أَحْرَارٌ لَا تُحَجِّرُ عَلَيْهِمْ حُرِّيَةَ الْقَوْلِ وَحُرِّيَةَ الْكَلِمَةِ يعني لا ترد الباطل ولا تبين الحق كل له كلامه كل له قوله فعلى هذا تكون الدنيا فوضى فينبغي التفطن لهذه الدسائس وهذه الشرور التي تحاك ضد المسلمين. Donc le Cheikh explique un autre point également parmi les objections de la part de certains individus lorsqu'on critique les égarements de certaines de ces sectes qui ont dévié de la voie d'Ahl al-Sunnah. Ils disent, les gens sont libres, essayez pas de limiter les gens dans leur liberté de parole ou dans leur liberté d'expression, ainsi de suite. Ils peuvent exprimer les croyances qu'ils veulent, exprimer les bid'as qu'ils veulent, exprimer les égarements qu'ils veulent. Il ne faut pas essayer de limiter ces choses-là. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? C'est cesser de réfuter ce qui est faux. Cesser de dénoncer ou de condamner ce qui est contraire à la vérité. N'expliquez pas aux gens la vérité. Chacun peut dire ce qu'il veut et chacun a le droit de parler. Et en réalité, ce qu'ils veulent, c'est que il y a un chaos et un désordre total dans tout ce qui a rapport avec la croyance. Et j'ai déjà eu l'expérience une fois à Montréal lorsque j'avais fait une khutbah et j'avais expliqué un peu le danger de certaines des sectes d'égarement et j'avais expliqué certaines de leurs contradictions et quelqu'un est venu me voir après la khutbah et commençait à me dire que يعني j'avais critiqué toutes les différentes écoles, les différentes sectes, et pour lui, au contraire, il fallait toutes les respecter et qu'elles avaient toutes quelque chose de bon, et donc il fallait pas les critiquer ou les réfuter. Et ça, bien entendu, c'est la parole d'un individu qui n'a pas, soit qui n'a pas de connaissance, n'a pas de connaissance du danger et de l'égarement que contiennent ses idées et ses croyances et ses sectes, ou bien que c'est la parole d'une personne qui, au contraire, fait partie d'une de ces sectes d'égarement et qui déteste entendre les gens la critiquer devant les autres musulmans, et donc il essaie de se mettre en colère justement pour qu'on cesse de clarifier la vérité au sujet de ces sectes d'égarement et au sujet de ces groupes. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il explique une autre partie de la parole. Il dit: وَقَوْلُ النَّاظِمْ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ هَذَا رَدٌ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ. Donc quand il dit, quand l'auteur, ou celui qui a fait cette manzouma, l'imam Ibn Abi Daoud, dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas créée, ça c'est une réfutation des Jahmiyyah et ceux qui ont dit leurs paroles. Et juste un point aussi à ce sujet-là que je n'avais pas mentionné hier, c'est que lorsque certains des ulama de l'islam mentionnent les Jahmiyyah, et ils ne veulent pas uniquement dire les Jahmiyyah. Parfois, quand ils utilisent le terme Jahmiyyah pour définir ou pour décrire ceux qui ont suivi Jahm ibn Safwan, mais ils mentionnent également ceux qui ont des degrés différents, qui ont dévié dans cette bid'a de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à des degrés différents. Donc pour eux, on peut dire que pour eux, les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyah sont tous désignés par le terme Jahmiyyah, même s'ils ne sont pas tous au même degré. Comme j'expliquais hier, les Jahmiyyah, c'est ceux qui ont nié tous les noms et tous les attributs en entier, sans exception. La seule chose qu'ils disent à propos d'Allah, c'est qu'il existe. Et ils disent, en dehors de ça, on ne peut rien dire d'autre. Donc, tous les attributs qui sont dans le Coran et dans la Sunna, qui sont mentionnés à propos d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils les nient. Et ils les interprètent allégoriquement ou symboliquement. Les Mu'tazila, eux, ils ont affirmé les noms, contrairement aux Jahmiyyah. Les Jahmiyyah ont nié les noms et les attributs. Les Mu'tazila, eux, ils ont affirmé les noms, mais ils ont nié toutes les attributs, sans exception. Et donc, c'est pour ça que pour eux, les noms, lorsqu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est As-Sami' al-Basir, ils disent Sami' Basir Alim, ils disent Sami' bidun Sam' ou bila Sam', Basir bila Basar, Alim bila Ilm. Donc ils disent que il est voyant mais sans vue, il est audient mais sans oui, il est savant mais sans science. Donc ils se contredisent de cette manière-là, en affirmant le nom puis en niant l'attribut qu'elle implique. Yarhamukumullah. Donc ça c'est l'exemple des Mu'tazila, et ensuite viennent les Asha'ira qui eux ont affirmé les noms et qui ont affirmé sept attributs seulement, ils nient les autres. Et donc c'est pour ça que certains ulama comme Ibn Taymiyyah les désignent comme étant des Jahmiyyah, même s'ils n'ont pas le même degré d'égarement que les Jahmiyyah. Toutefois, le fait qu'ils ont nié certains attributs ou la majorité des attributs, ils les calculent parmi les Jahmiyyah, parce que la base de leur shubha pour nier les attributs, c'est la même que celle des Jahmiyyah. Ils se basent sur la même shubha et le même égarement à la base pour nier les attributs qu'ils nient. Et les attributs qu'ils affirment, ils les affirment uniquement en se basant sur leur raison, comme ils le prétendent. Et donc ça c'est des exemples à ce sujet-là. Maintenant, j'ai ramené le sharh de Al-Ha'iyya du Cheikh Ahmed Al-Najmi, et j'aimerais juste vous lire la partie où il explique ces versets-là dans son sharh, pour vous ramener quelques fawaïd, quelques points intéressants qui ne sont pas mentionnés dans le sharh du Cheikh Al-Fawzan. Et c'est un bon résumé, et il mentionne également les paroles des salafs et de leur position aussi au sujet de cette question. Donc il dit, le Cheikh Ahmed al-Najmi, dans son charh de Al-Qasida Al-Ha'iyya, qui s'appelle Fath al-Wadud, il dit عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. C'est-à-dire que la عقيدة أهل السنة والجماعة au sujet du Coran, c'est que c'est la parole d'Allah qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas créée. Elle vient de lui et c'est à lui qu'elle va retourner. C'est-à-dire que vers la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever le Coran de ce monde. Et il n'y aura plus du tout de Coran sur la terre, c'est-à-dire vers la fin des temps, avant le jugement dernier. Hein? Et c'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans les mushafs va disparaître, et tout ce qui est mémorisé dans le cœur des hommes va être enlevé également. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est de lui qu'elle vient cette parole, c'est lui qui l'a prononcée en premier, et c'est vers lui qu'elle va retourner. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقِيقَةً حروفه ومعانيه. C'est-à-dire que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement. C'est-à-dire c'est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses lettres ainsi que sa signification. ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. C'est-à-dire sa parole, ce ne sont pas uniquement les lettres sans la signification, et ce n'est pas non plus la signification sans les lettres. تكلم الله به قولا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prononcé cette parole, ou il l'a dite en parole réellement. Il l'a réellement prononcé. وأنزله على نبيه وحيا. Et il l'a révélé sur son prophète comme étant une révélation. Il l'a fait descendre sur lui. وآمن به المؤمنون حقا. Et les croyants ont réellement cru en cette parole, en ce Coran. فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العيان لا يخرجه ذلك عن كون كلام الرحمن عن كونه كلام الرحمن. Donc le Cheikh explique que peu importe que cette parole soit écrite avec nos mains, ou qu'elle soit récitée par notre langue, ou qu'elle soit mémorisée dans nos cœurs, ou qu'elle soit audible par nos oreilles, ou qu'elle soit visible avec nos yeux lorsqu'on l'écrit, tout ça ne la fait pas sortir du fait que c'est la parole de Ar-Rahman, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit que فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق. C'est-à-dire les doigts avec lesquels on écrit, l'encre, les plumes, les papiers sur lesquels on l'écrit, tout ça c'est créé. Mais la chose qui est écrite et qui est récitée, ça c'est pas créé. Hein, la chose qui est écrite, qu'est-ce qui est écrit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wal alsun wal aswat makhluqa. Donc il dit الألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. C'est-à-dire les langues et la voix qui le récitent, elles sont créées. Mais ce qui est récité, c'est incréé puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق. C'est-à-dire les cœurs et les poitrines qui mémorisent le Coran sont des créatures d'Allah. Toutefois, ce qui est mémorisé n'est pas créé puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mahfouz fiha ghair makhlouq. Wal asma' makhlouqa. Wal masmou' ghair makhlouq. Donc, les oreilles avec lesquelles on entend le Coran, ça c'est créé. Mais qu'est-ce qu'on entend comme étant récité, ça c'est pas créé puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala reste la parole d'Allah. Peu importe qu'elle soit récitée par le récitateur, ou qu'elle soit lue dans le mushaf, ou qu'elle soit mémorisée dans nos cœurs, Tout ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le papier, l'encre, ça c'est créé. D'accord? Donc on fait la distinction entre les deux. Quand on récite le Coran, la voix avec laquelle on le récite, eh bien ça c'est créé, c'est notre voix à nous. Et la chose qui est récitée, c'est la parole d'Allah. Ça, on va l'expliquer plus en détail tout à l'heure dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il expliquera le prochain verset, les deux prochains versets, inshallah. Ensuite, le Cheikh il dit, وقال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Donc ça, c'est des versets que le Cheikh mentionne comme preuve de tout ce qu'on vient de mentionner. Innahu la Qur'anun Karim fi kitabim maknun. C'est-à-dire, c'est le Qur'an, le Karim, dans un livre. Et il mentionne, ça c'est dans le verset 77 et 78, dans Surat Al-Waqi'ah. Il mentionne le verset 49, dans Surat Al-Ankabut également, qui dit, et ce sont des versets clairs, mémorisé dans les poitrines de ceux qui détiennent la science. Et nul ne renie nos versets, excepté les injustes. Donc, ça c'est la preuve que les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mémorisés dans le cœur des savants de l'islam. Wa qala ta'ala, watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik, la mubaddila li kalimatihi. Ça c'est dans le verset 27, dans Surat Al-Kahf. Récite ce qui a été révélé sur toi du livre de ton Seigneur. La mubaddila li kalimatihi. Rien ne peut changer les paroles de ton Seigneur, c'est-à-dire ses paroles. Wa qala ta'ala, et il mentionne le verset dans Surat At-Tawba, le verset 6, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si un parmi les mushrikin cherche ta protection, ou te demande la protection, ou, c'est-à-dire de le laisser passer, de le laisser traverser en sécurité, alors laisse-le passer en sécurité jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. C'est-à-dire, puis ensuite amène-le à l'endroit où il veut aller en sécurité. Le Cheikh il dit, c'est-à-dire les textes à ce sujet-là, tu ne peux pas les compter tellement ils sont nombreux. Ça, c'est juste un exemple qu'il donne. Il dit, وَمَنْ قَالَ الْقُرْآنَ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية وكذلك من قال شيء من صفات الله مخلوقة فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. Le Cheikh explique, il dit que celui qui dit que le Coran ou quoi que ce soit du Coran est créé, alors il est kafir d'un kufr qui le fait sortir de l'islam complètement. Et il dit de même que celui qui dit que quelque chose, une d'entre les attributs d'Allah est créé. Si quelqu'un dit que une d'entre les attributs d'Allah est créé, alors il est kafir et c'est un apostat et on doit lui offrir ou on doit lui suggérer de revenir à l'islam. S'il revient à l'islam, alhamdoulilah, il sera musulman. Il revient à l'islam, il sera considéré comme musulman. C'est-à-dire s'il se repent. Sinon, il sera exécuté comme étant un mécréant. Et il n'aura aucune des règles de l'islam qui va être appliquée sur lui. C'est-à-dire, on ne va pas prier sur lui, on ne va pas faire on ne va pas le laver, on ne va pas le faire sa janaza. Et il ne va pas hériter, et on ne va pas hériter de lui, ainsi de suite. Comme c'est mentionné dans les règles de la charia et dans le chapitre des règles de l'apostat dans l'islam. Et ça, bien entendu, c'est des règles qui s'appliquent une fois que la preuve a été établie sur l'individu et, bien entendu, dans un pays musulman où il y a l'application de la charia, c'est pas des règles, les règles de l'apostasie sont limitées au chef de l'État dans l'islam. C'est pas quelque chose qui sont appliquées par n'importe qui d'entre les musulmans. De la même manière que, par exemple, ici, si quelqu'un fait un crime, c'est pas n'importe qui peut arrêter quelqu'un puis le mettre en prison. Dans l'islam, c'est la même chose. C'est pas n'importe qui applique les peines et les punitions. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique et qui est réservé aux autorités dans la société et non pas à n'importe qui. Parce qu'il y a des égarés parfois ou des ignorants qui veulent par eux-mêmes décider qui est un apostat et décider qui doit être exécuté ou non. Et ils partent comme ça dans la rue, commencer à attraper des apostats selon eux et tuer qui ils veulent parmi les gens. Et ça, bien entendu, ça crée toutes sortes de désordre et de chaos dans la société, et ça c'est contraire à l'islam. Hein? Donc le cheikh il explique ça et il mentionne donc que la personne qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Et ça c'est pas la position de ce cheikh, hein? C'est pas lui qui l'a inventé cette position ou qui le dit seulement. Ça c'est l'ijma' des imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont tous d'accord là-dessus. Et l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah dans An-Nuniyya, il mentionne qu'il y a plus que 500 d'entre les imams d'Ahl Sunnah qui ont explicitement mentionné que la personne qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Donc il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Le Cheikh il dit « وَالْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ مَذْهَبُ الْجَهْمِيَّ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ كُفْرٌ وَتَكْفِيرُ الْجَهْمِيَّ الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ أحمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري والحسن بن عيسى وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ووكيع بن الجراح وحماد بن زيد ومعمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وغيرهم كثير. Donc le cheikh il dit que le fait de dire que le Coran est créé, c'est la voix des Jahmiya et des Mu'tazila. La parole de celui qui dit que le Coran est créé, c'est une parole de kufr. Et le fait de déclarer les Jahmiya kuffar, hein, ou ceux qui disent que le Coran est créé, ça c'est quelque chose qui a été affirmé par une grande portion des gens parmi les salafs. Et parmi ceux qui ont mentionné que ce sont des kuffars, il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal, et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, et Sufyan al-Thawri, et la liste des imams que j'ai mentionné en arabe. Et ça, c'est uniquement une partie d'entre eux. Et celui qui veut voir les exemples de paroles qui ont été mentionnées à ce sujet-là, peuvent retourner au livre qui s'appelle As-Sunnah, le livre de l'imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, c'est-à-dire le fils de l'imam Ahmad. Il a écrit un livre qui s'intitule As-Sunnah, dans lequel il a mentionné les citations des imams d'Ahl Sunnah ou de certains d'entre les imams d'Ahl Sunnah qui disent explicitement que celui qui prétend que le Coran ou qui dit que le Coran est créé, il est un kafir. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'autres également parmi les imams qui ont dit ces paroles-là. Donc, j'ai mentionné quelques-uns et il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas mentionnés ici, mais le cheikh il dit « وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ » C'est-à-dire ils sont très nombreux les autres. Et comme je disais, l'imam Ibn al-Qayyim a dit qu'ils vont jusqu'à 500. Hein. Après, il dit « وَإِلَيْكَ أَخِ الْقَارِ نُقُولًا عَنْ بَعْدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْقَوْلِ فِي هَذَا الْقَوْلِ الْفَاحِشِ » Il dit « On va vous mentionner maintenant certaines paroles des imams au sujet de cette parole laide. » Et il dit, وقال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو من قال القرآن مخلوق فهو كافر. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari il mentionne dans son livre خلق أفعال العباد que Yazid ibn Harun, un des imams des salafs, a dit qu'il a juré par celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, celui qui dit le Coran est créé, il est kafir. Celui qui dit le Coran est créé, il est kafir. وقيل لأبي بكر بن عياش إن قوما ببغداد يقولون إنه مخلوق فقال ويلك من قال هذا عن من قال هذا على من قال القرآن مخلوق لعنه الله وهو كافر. ولا تجالسوهم. Donc, on a dit à l'imam Abu Bakr ibn Ayyash, un des imams des salafs, qu'il y a des gens à Bagdad qui disaient que le Coran est créé. Il a dit, malheur à toi, celui qui dit cette parole, que le Coran est créé, que Allah le maudisse. Hein, il est kafir et ne vous assoyez pas avec eux. وقال ابن مقاتل سمعت ابن المبارك يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. Donc il dit que Ibn Muqatil a dit, j'ai entendu l'imam Abdullah ibn al-Mubarak qui disait, celui qui dit que la parole, lorsque Allah dit innani ana Allah la ilaha illa ana, je suis Allah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté moi, celui qui dit que ça s'est créé, alors il est kafir. Parce que les Mu'tazila, ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et lorsque Moussa alayhi salam a entendu cette parole, hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, en fait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une parole, et c'est ça que Moussa a entendu. Donc l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il dit, celui qui dit que je suis certes Allah et rien ne mérite d'être adoré excepté moi, si quelqu'un dit que ça s'est créé, alors il est kafir, hein, parce qu'ils disent que Allah a créé cette voix-là dans un buisson ou des choses de ce genre, et que c'est pas sa voix, ou bien que c'est pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les ulama ont expliqué en fait que, parce que les Mu'tazila, ils ont utilisé une ruse en fait aussi pour essayer de dire que cette parole-là est créée, dans le sens qu'ils ont dit que, on dit que c'est la parole d'Allah, mais dans le sens que c'est Allah qui l'a créée. Hein? Et donc, ils mentionnent par exemple cet exemple-là comme étant une chose qui est attribuée à Allah, mais parmi les créatures. Comme par exemple, quand on dit par exemple Naqatullah, hein, ou bien Baytullah, hein, ça c'est des créatures d'Allah, hein, et quand elles sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala veut les honorer et veut montrer leur importance et leur noblesse. Donc il les associe à lui-même de cette manière-là pour les honorer. Et non pas dans le sens que ça fait partie de lui ou que ce sont ses attributs. D'accord? Mais les Jahmiyyah et les Mu'tazila, ils ont mélangé les deux. Hein? Ils ont associé des choses, quand des choses sont mentionnées comme étant associées à Allah, ils ont essayé de mélanger entre le fait que ce soit des attributs ou des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et dans les deux cas, ils sont tombés dans l'égarement. Parce qu'il y en a, et ça le Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad, dans son charh de Al-Ha'iyya, il l'a expliqué. Et il dit que parmi les choses qui sont associées à Allah subhanahu wa ta'ala ou attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux catégories. Il y a le fait qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala une chose comme on dit en arabe, minbab idafat al-makhluq ila khaliqihi, dans le sens qu'on attribue au créateur quelque chose qu'il a créé, comme par exemple la maison d'Allah, hein, la chamelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui a été envoyée au peuple de Houd, si je ne me trompe pas, et ou bien de Samoud, je ne me rappelle plus lequel, et également des choses de ce genre. Donc ça c'est des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala les associe à lui-même ou les attribue à lui-même dans le sens qu'il veut les honorer. Et il y a une autre catégorie qui est idafatu sifa ila mawsufihi, dans le sens qu'on attribue on associe une attribut à celui qui détient cet attribut-là, comme par exemple quand on dit yadullah, kalamullah, hein, la parole d'Allah, la main d'Allah, aynullah, hein, l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est dans le sens qu'on attribue l'attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est pas une créature. Et les ulama expliquent que lorsque c'est quelque chose qui peut pas exister par lui-même, tout seul, ça c'est une attribut. Et lorsque c'est quelque chose qui peut exister par lui-même tout seul, eh bien dans ce cas-là c'est une créature. Hein, Et il ne faut pas mélanger entre les deux. Parce que les Jahmiyyah ont mélangé dans ces deux choses-là, dans ces deux cas-là. Soit ils ont attribué des créatures à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les gens de Wahdatul Wujud, qui disent que tout est Allah. Donc ils associent ces créatures-là et ils les affirment comme étant faisant partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça, c'est un égarement. Et il y a les autres qui ont pris les attributs d'Allah et qui les ont attribués à Allah comme étant des créatures, comme les Mu'tazila qui nient la parole d'Allah et qui prétendent qu'elle est créée. Et donc, c'est pour ça que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il dit, celui qui dit que la parole, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, je suis Allah, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, celui qui dit que ça c'est créé, alors il est kafir. Puisque personne ne peut dire, je suis Allah, excepté Allah. Hein? Et personne ne peut dire, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi. Personne ne peut dire ça, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, ça fait partie des exemples que les imams ont mentionnés. قال l'imam al-Bukhari أيضا قال ابن عيينة ومعاذ والحجاج ابن محمد ويزيد ابن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن علي بن عاصم ويحيى بن يحيى وأهل العلم من قال القرآن مخلوق فهو كافر. Donc ici on voit que l'imam al-Bukhari il cite une liste parmi les ulama et les imams et puis il dit à la suite que tous ceux-là ont dit celui qui dit que le Coran est créé alors il est kafir. وقال وكيع بن الجراح لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم وإنما يذهبون إلى التعطيل. Donc Al-Waqi ibn al-Jarrah, un des grands imams d'Ahl al-Sunnah, un des shuyukh de l'imam al-Shafi'i et d'autres grands imams également, il dit, ne prenez pas leurs paroles à la légère. Celui qui dit que le Coran est créé, c'est la pire de leurs paroles et ils vont en réalité vers la négation. La négation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils sont des athées en réalité, ces gens-là. Ceux qui nient les attributs d'Allah, ce sont des athées. Et en réalité, il n'y a pas de différence entre celui qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala au complet et qui dit il n'y a pas de Dieu qui existe, et celui qui dit qu'il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple quelqu'un qui dit je ne crois pas que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la vue ou qu'il a la sagesse ou qu'il a la parole, et il commence à retirer à Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs une par une. Celui qui fait ça, c'est la même chose que celui qui a nié toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans différence, sans exception. وطائفة أخرى وهم شر من الجهمية والمعتزلة قوم سموا الواقفة. Donc الواقفة c'est une autre catégorie, puis on va mentionner cette catégorie là dans la suite du sharh du Sheikh Al-Fawzan, inshallah, dans le prochain vers qu'on va expliquer. Mais ça, c'était juste pour donner des exemples des paroles des salafs à ce sujet là pour que vous sachiez que les salafs avaient une position très claire sur cette question-là, et que pour eux c'était quelque chose qui est accepté à l'unanimité. Il n'y avait pas de divergence entre eux là-dessus. C'était clair pour eux que celui qui dit que la parole d'Allah est créée, c'est un kafir. Wa qawluhu, donc on revient au sharh du Sheikh Al-Fawzan pour terminer ce troisième vers. Il dit wa qawluhu kalamu malikina al-maliku huwa al-malik wallahu jalla wa ala هو الملك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالله جل وعلا هو مالك الملك وأما الملوك من بني آدم فإنما ملكهم عارية يؤتيها الله من يشاء منهم ثم ينزعها منهم ويعطيها للآخر فهو من باب التداول أما الملك الثابت الدائم الذي لا يزول فهو ملك الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit que lorsque l'imam Ibn Abi Daoud dit Kalamu Malikina, la parole de notre maître, hein, c'est-à-dire Al-Malik, c'est qui c'est? En réalité, Al-Malik. Ça signifie Al-Malik, c'est-à-dire le roi, le maître. Et donc, Al-Malik, le roi, et il mentionne des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que c'est lui qui détient le royaume. Comme le verset 1 dans Surat Al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit hein, que la bénédiction soit, Tabarak al-Ladhi, que soit béni celui dans la main de qui ou celui qui détient en sa main le royaume. Et il a le pouvoir sur toute chose. Et il mentionne le verset, également le verset 26 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, ô Allah, toi qui détiens le royaume, tu donnes le royaume à qui tu veux, et tu l'enlèves de qui tu veux, et tu rends puissant qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. C'est en ta main qu'est le bien, et tu as certes le pouvoir sur toute chose. Donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient et qui possède, qui est le roi et le maître du royaume. En ce qui concerne les rois de cette dunya parmi les fils d'Adam, ce qu'on appelle des rois dans ce monde, leur royaume est uniquement quelque chose qui leur est prêté. Hein? C'est uniquement un royaume qu'ils ont qui est temporaire. Allah subhanahu wa ta'ala le donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala donne le royaume à ces rois-là dans ce monde parmi les hommes à qui il veut, et il l'enlève également à qui il veut pour le donner à un autre. D'accord? Donc, c'est uniquement, en fait, une sorte de... c'est quelque chose qui est partagé et qui est donné à un puis à l'autre par la suite. Mais le royaume qui est ferme et qui est constant, qui est toujours établi, c'est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala qui reste toujours à lui. Il dit « وَحِينَ تَقُومُ السَّاعَةِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ فلا أحد يجيب ولا أحد يتكلم فلو كان لأحد دعوة لقال الملك لي ثم يجيب الله جل وعلا نفسه فيقول لله الواحد القهار ولا أحد يعارض في هذا فالملك لله جل وعلا وإنما يهب من يشاء شيئا من الملك مدة محددة ثم إما أن يموت أو يؤخذ منه الملك وينزع بالقوة. Donc le cheikh il explique, il dit que lorsque la résurrection va être établie le jour de l'heure du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à qui appartient le royaume aujourd'hui, et personne ne pourra répondre et personne ne pourra parler. Et si quelqu'un avait une prétention ce jour-là, il aurait dit le royaume est à moi, mais personne ne peut répondre ce jour-là, hein. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui va répondre Lillahi al-wahid al-qahhar, c'est-à-dire que ce jour-là, dans le verset il mentionne le verset 16 dans sourate Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est à Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid, l'unique al-qahhar, le contraignant. Donc ça veut dire que ce jour-là personne répond, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui répond que le royaume c'est à lui seulement. Wala ahadun yu'aridu fi hadha, il n'y a personne qui va pouvoir s'objecter à cette parole. Donc le royaume il est à Allah subhanahu wa ta'ala, et il le donne à qui il veut. Il donne à qui il veut quelque chose de ce royaume pour une période limitée. Puis la personne soit elle meurt ou bien on lui enlève le pouvoir, on lui enlève le royaume et elle est enlevée par la force ou par d'autres moyens. Il dit wa qawlu an-nazim rahimahullah bidhalika ay bi anna al-quran ghayr makhluq qawluhu da'ana al-atqiya ya'ni i'taqad al-atqiya min al-a'imma hadha al-qawl wa qawluhu wa afsahu ay adharuhu lin-nas wa qala al-quran munazzal ghayr makhluq ولم يسكتوا ويقول هذه آراء واترك الناس على حرية الكلمة وحرية الرأي بل إنهم أفصحوا غاية الإفصاح وناظروا وجادلوا وألفوا وكتبوا في رد هذا القول ولخطورته وشناعته ولما فيه من تنقص لله عز وجل فلا يسمع أهل العلم فلا يسع أهل العلم أن يسكتوا عن هذا القول أو يتساهل فيه. Donc le cheikh il termine donc l'explication de ce vers là en disant et la parole de l'imam Ibn Abi Daoud lorsqu'il dit bizalika, c'est-à-dire c'est par ceci que les imams de l'islam ont cru, yani c'est en ceci que les imams de l'islam ont cru, c'est-à-dire que le Coran n'est pas créé. Et al-Adqiya qui sont mentionnés dans le vers, c'est les pieux parmi les imams qui ont défendu cette parole. Wa afsahu, c'est-à-dire ils ont exprimé et ouvertement mentionné cette parole-là aux hommes, c'est-à-dire qu'ils leur ont dit que le Coran est une révélation qui n'est pas créée, et ils ne se sont pas tus à ce sujet-là. Ils n'ont pas dit, par exemple, comme le disent certains aujourd'hui, ce sont uniquement des opinions et laissez les gens dans la liberté d'expression, la liberté d'opinion qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. بل إنهم أفصحوا غاية الإفصاح. Au contraire, ils ont exprimé et montré clairement et explicitement leur position et ils ont débattu et ils ont défendu avec des arguments du Coran et de la Sunna les preuves yani de la révélation et ils ont écrit des livres pour réfuter ni cette parole de Bid'a à cause de son danger et à cause de son égarement et de sa laideur pour ce qu'elle contient comme d'insultes hein, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc aucun d'entre les savants ne peut se permettre de se taire devant cette parole ou de prendre cette parole à la légère et de la dénigrer. D'accord. Donc alhamdoulillah, on a terminé donc d'expliquer le troisième vers et le cheikh hier dans le dars, j'expliquais par rapport à la position des Asha'ira et j'expliquais que ils ont affirmé sept attributs ou huit attributs puis qu'il niait il niait les autres ou il les déformait de leur sens, il leur donnait une autre interprétation. Et il y a un point que je voulais mentionner à ce sujet-là parce que j'ai mentionné une petite historique un peu de comment ça s'était développé rapidement. Et il y a une chose qui est importante à comprendre aussi, c'est que, comme je disais hier, que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, à la fin de sa vie, il était revenu à la sunna en grande partie, et qu'il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana, dans lequel il affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que Maqalat al-Islamiyin. Et qu'est-ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ça, c'est donc la position de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari avant sa mort, et était en accord avec la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a en grande partie, excepté certaines petites traces de Ilm al-Kalam qui étaient restées. Mais les gens qui sont venus par la suite parmi les Asha'ira qui ont suivi, petit à petit ils se sont de plus en plus éloignés de la dernière position de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et ils sont revenus graduellement à la position des Mu'tazila. D'accord? C'est pour cette raison-là que vous retrouvez par la suite que des attributs que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et d'autres comme Al-Baqilani ont affirmé dans leurs livres, comme l'attribut des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'attribut de Al-Istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône et qu'il s'est élevé au-delà de son trône, et des attributs de ce genre, elles étaient affirmées par l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et par Al-Baqilani et d'autres parmi les premiers qui étaient parmi les élèves de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Toutefois, ceux qui sont arrivés plus tard par la suite, comme Al-Razi et d'autres également, comme Al-Ghazali, eux se sont sont retournés à la position des Mu'tazila et sont revenus au Ta'wilat de ces attributs-là et de le fait de les interpréter par des significations qui sont contraires à leur signification réelle. Donc c'est un point important pour comprendre que la position des Asha'ira aujourd'hui, elle est complètement contraire à la position des premiers imams qui ont établi la bid'a des Asha'ira en partant. Donc ça c'est pour qu'est-ce qu'il y avait à dire à ce sujet-là. Maintenant, le quatrième vers que l'imam Ibn Abi Dawud a mentionné, c'est « وَلَا تَكُفِ الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ » C'est-à-dire, ne sois pas, ou ne dis pas à propos du Coran, yani, ne prends pas à propos du Coran la position de qu'est-ce qu'on appelle « al-waqf ». Hein? Et c'est la position de ce qu'on appelle al-waqifiyya. Al-waqifiyya, c'est ceux qui prennent une position intermédiaire, dans le sens qu'ils disent, nous on ne dit pas qu'il est créé et on ne dit pas qu'il n'est pas créé. Donc ils ont voulu comme essayer de faire plaisir à tout le monde en même temps. Donc nous on ne va pas dire qu'il est créé, on ne va pas dire qu'il n'est pas créé. Et il dit que كَمَا قَالَ أَتْبَعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ. Ça, c'est en réalité la position des gens qui ont suivi Jahm ibn Safwan. Donc, c'est une ruse que les gens des Jahmi ont utilisée. Et on va expliquer qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là. Il dit, قول الناظم رحمه الله تعالى ولا تك في القرآن بالوقف قائلا من الجهمية من يصرح بأن القرآن مخلوق وهم رؤوس الجهمية ومنهم من يقول أنا لا أقول مخلوق أو غير مخلوق بل أتوقف وهذا شيطان أخرس لأنه إذا توقف توهم الناس أن القرآن مخلوق فلا بد من البيان فإذا قالوا مخلوق فلا تتوقف لأن معنى ذلك أنك تؤيدهم ولكنك لا تصرح فلا يجوز التوقف في هذا وهذا مذهب الواقفة الذين لا يقولون مخلوق أو غير مخلوق وهذا معناه كتمان بيان الحق ويعطي احتمالا لقول الجهمية أنه صحيح حيث لم يرد ولم يفضح ولم يكشف فالذي يشك في أن القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويتوقف هذا جهمي وإلا لو كان ليس جهميا لصرح وقال القرآن غير مخلوق ولكنه يتستر بالتوقف. Donc le cheikh explique que la parole de l'imam Ibn Abi Daoud lorsqu'il dit ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا, parmi les jahmiya, il y en a qui disent explicitement et clairement que pour eux le Coran, ils disent qu'il est créé. Et ça, c'est la tête des Jahmiya, c'est les chefs parmi les Jahmiya. Et parmi eux, il y en a d'autres qui disent, je dis pas qu'il est créé et je dis pas qu'il est pas créé. Je m'arrête. Atawakaf. Hein? C'est pour ça que l'imam Ibn Abi Daoud, il dit, wa la takuf fil Quran bil waqf qailan. Donc ne t'arrête pas sur la position du Coran, sur ta position par rapport au Coran. Ne sois pas yani dans une position où tu t'arrêtes. Il dit, celui qui dit ça, c'est un shaitan muet. Hein? Il y a des shaitans qui parlent, il y a des shaitans qui sont muets. Hein? Et les deux sont des shayatines quand même. لِأَنَّهُ إِذَا تَوَقَّفَ تَوَهَمَ النَّاسِ أَنَّ الْقُرْآنِ مَخْلُوقِ. Lorsqu'il s'arrête, il donne l'impression aux gens que le Coran est créé. Donc, il faut absolument que sa position soit clarifiée. Donc, si ils disent créer, il ne doit pas s'arrêter. Hein, parce que cette signification-là vient confirmer qu'est-ce que disent les Jahmiyyah. Hein, mais il ne le dit pas explicitement. Il dit créer ou pas créer. Il ne veut pas dire clairement. Il veut prendre cette position de neutralité entre les deux. Et ça, c'est le madhab qu'on appelle le madhab des waqifa, ceux qui disent on ne dit pas qu'il est créé ou pas créé. Et ça signifie en réalité que tu caches la vérité. Ça signifie que tu caches la vérité et tu donnes l'impression qu'il y a la possibilité que tu sois sur la position des Jahmiya et que la position des Jahmiya est valable et correcte. Puisque tu ne les as pas réfutés et tu n'as pas démasqué et montré la réalité de leur égarement. Donc, celui qui doute au sujet du Coran, est-ce qu'il est créé ou non, et qui prend une position neutre entre les deux, alors celui-là, c'est un Jahmi. En réalité, on dit que c'est un Jahmi. Hein? Parce que si ce n'était pas un Jahmi, en réalité, il l'aurait dit explicitement et clairement. Hein? Et il aurait dit, le Coran, il n'est pas créé. Mais il veut se cacher. Donc, il dit, il prend cette position de neutralité. وهذا في الحقيقة أخبث من الجهمية لأنهم صرحوا وعرف مذهبهم. وهذا donc, ça c'est un point important que le cheikh explique. Il dit, en réalité, cette position-là, elle est plus laide encore et plus mauvaise que la voix des Jahmiyyah qui sont claires. Et c'est pour ça que parfois vous allez voir que certains parmi les gens de Bid'ah, ils sont parfois plus proches de la voix des Salafs dans leur position que d'autres égarés parmi les gens de Bid'ah. Toutefois, les imams se concentrent plus sur la réfutation de leur bid'ah à eux que la bid'ah de ceux qui sont plus clairs. Pourquoi? Parce que ceux-là, étant donné que leur bid'ah elle est plus subtile, ça fait en sorte que beaucoup de gens peuvent être plus trompés par leur égarement, et donc ils se concentrent beaucoup plus sur la réfutation de leur bid'ah à eux que sur les autres. Et ça c'est l'exemple aussi par rapport au Asha'ira. On voit que, par exemple, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a concentrer sa réfutation en grande partie sur les Asha'ira. Alors que dans certains de ses livres, il mentionne que les Asha'ira sont parmi toutes les sectes la plus proche de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais ça, c'est uniquement de façon relative. Dans le sens que si on les compare aux Jahmiya et aux Mu'tazila, on peut dire que oui, ils sont plus proches de Ahlus Sunnah, moins égarés, c'est ce que ça signifie. Parce que ils sont dans l'égarement, mais ils sont moins égarés que les autres. Donc c'est ça que l'imam Ibn Taymiyyah essaie de faire comprendre. Toutefois, leur danger est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que les Jahmiya et les Mu'tazila, c'est clair, leur égarement, quand ils vont dire par exemple, le Coran est créé. Celui qui entend ça, tout de suite, il sait que c'est un égaré. Mais eux, les Asha'ira, vont pas dire ça de façon explicite. Ils utilisent des ruses et ils mélangent les expressions et les termes. Alors les gens se laissent plus facilement tromper par ceux-là. Et donc c'est pour ça que c'est important donc de comprendre que parfois une bid'a peut être en apparence moins dangereuse ou moins claire, et parfois elle est plus dangereuse que celle qui est explicite et claire. Donc le cheikh il dit وهذا في الحقيقة أخبث. Donc il y a aujourd'hui à notre époque l'exemple de certains qui se disent salafis mais qui défendent la position des khawarij et qui font le takfir et qui appellent au takfir et au khuruj contre les dirigeants. Ces gens-là, tu leur poses des questions sur al-asma wa sifat, tu leur poses des questions sur le tawhid, ils te répondent les mêmes réponses que les réponses d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Toutefois, ils cachent d'autres croyances et d'autres idées qui sont en opposition avec la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a sur d'autres sujets, comme par exemple le takfir des gens qui font des grands péchés, ou le takfir des dirigeants et le fait de se révolter ou d'appeler à la rébellion contre les dirigeants. Donc ça, c'est une forme d'égarement qui est plus subtile. Et donc les gens peuvent plus facilement se laisser tromper par ces égarés-là parce que ils se présentent comme étant des salafis et ils se montrent comme étant sur la sunna, et quand ils parlent, ils vont citer Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohammed Ibn Uthaymin et d'autres parmi les ulama comme Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Abdel Aziz Al-Rajihi ou d'autres parmi les imams. Donc quand quelqu'un entend ça, il dit waouh, celui-là c'est un salafi. Mais il ne réalise pas qu'en réalité, il est en train d'appeler à la voix des Khawarij et il trompe les gens en utilisant ces personnalités-là. Donc ça, c'est des exemples comment les gens de bid'ah parfois ils procèdent. Et ça fait partie de ces exemples. Donc le Cheikh il dit وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ أَخْبَثُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا وَعُرِفَ مَذْهَبُهُمْ أَمَّا هَذَا فهو يخدع الناس في أنه متورع ولا يقدر على القول بهذا الأمر فلا يكفي التوقف بل لا بد من التصريح ببطلان هذا القول. Donc le cheikh il dit, et celui-là en réalité il est plus mauvais que les Jahmiya, parce que les Jahmiya eux ils ont dit clairement et on a connu, ils ont fait connaître leur position. En ce qui concerne ceux-là, Al-Waqifiyya, eh bien, eux, ils trompent les gens. Et ils font montrer qu'ils ne veulent pas rentrer dans cette question-là. Et donc, c'est comme en voulant dire, moi je rentre pas là-dedans, je veux pas prendre une position, je suis pas capable de dire cette parole-là. Et donc, le cheikh, il dit, c'est pas suffisant de prendre une position neutre et de s'arrêter. Il faut dire clairement que la position des Jahmiyyah est fausse et que c'est quelque chose qui est totalement et rejeté. Il dit wa qawluhu kama qala atba'un li jahm wa asjahu ja'alahum min atba' al jahmiyyah li'annahum law lam yakunu min atba' al jahmiyyah lama tawaqqafu بل يردون عليهم ويصرحون بذلك وكأن الجهمية لما رأوا أن الناس لا يوافقونهم على قولهم لجأوا إلى هذه الحيلة ليستروا بها باطلهم ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن التوقف قال لو كان هذا قبل أن تقول الجهمية ما قبل أن تقول الجهمية ما قالت كنا نتوقف أما بعدما قالوا قولتهم الشنيعة فلا بد من التصريح ببطلانها وردها وهذا معنى ما قال الإمام أحمد في مسألة التوقف عن القول بخلق القرآن. Donc le cheikh explique, il dit que l'imam Ibn Abi Dawud il les a calculés parmi les Jahmiya, ceux qui font partie des Waqifiya. Hein, ceux qui ne veulent pas prendre position, qui sont neutres, l'imam Ibn Abi Daoud les a calculés parmi les Jahmiyyah. Hein, et il dit, كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ comme certains parmi les gens qui ont suivi Jahm ont dit, et وَأَسْجَحُ يعني, c'est-à-dire, ils ont pris cette question-là de façon légère, hein, de façon facile, comme si ce n'était pas grave. Et donc, il les a mis parmi les gens qui suivent Al-Jahmiyyah. Pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas, comme on a dit, s'ils n'étaient pas parmi les gens qui suivent Al-Jahmiyyah, ils ne se seraient pas arrêtés. Ils auraient réfuté ces idées-là et ces croyances. Et ils auraient été explicites et clairs à ce sujet-là. Il dit, donc, lorsque les Jahmiyyah ont vu que les gens étaient contre eux et que leur position était rejetée, ils ont donc eu recours à cette ruse. Ils ont vu que les gens n'acceptaient pas leurs paroles et leurs idées. Donc, ils ont eu recours à cette ruse pour essayer de se cacher et pour se tromper, et pour tromper les gens et pour cacher leur fausseté. Et c'est pour ça que lorsque l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a été questionné au sujet de At-Tawakkuf, au fait de s'arrêter sur cette position-là, l'imam Ahmad a répondu. Il a dit, si cette position était venue avant que la parole des Jahmiyyah apparaisse, c'est-à-dire, s'ils avaient pris cette position-là avant la position des Jahmiyyah, on aurait dit que c'est la bonne position. C'est-à-dire, si la bid'a des Jahmiyyah n'était pas encore apparue et que ces gens-là n'auraient pas dit explicitement et ouvertement qu'ils croient que le Coran est créé, on aurait dit que cette position-là, elle est correcte. Hein? Mais, du moment que cette parole est venue après que la position des Jahmiyyah a été propagée, alors aujourd'hui, il faut absolument réfuter et clarifier cette fausseté-là et la condamner clairement. Et donc ça, c'est la signification de ce que dit l'imam Ahmad dans la question au sujet de At-Tawakkuf par rapport à la création du Coran, de ceux qui s'arrêtent ou qui prennent une position de neutralité à ce sujet-là. Et il dit « Wa asjahu al-isjah huwa at-tasahul wal-lin » يعني تساهلوا وفي بعض النسخ وأسمحوا من السماح يعني سمحوا لهذا وسواء أسجحوا أو أسمحوا فمعناه أنهم لم ينكروا وإنما لانوا مع قول الجهمية ولم ينكروا عليهم بل توقفوا في هذه المسألة. Donc le cheikh explique que asjahu, ça veut dire de prendre la chose facile ou de la prendre doucement, de prendre ça à la légère. Et dans certaines versions de al-ha'iyya, il y a la mention du verbe wa asjahu, wa ashamu au lieu de asjahu. Et ça vient de as-samah, c'est-à-dire ils ont excusé cette position des Jahmiyyah, c'était dans le sens qu'ils ne l'ont pas dénoncé. ils n'ont pas critiqué ou condamné la position des Jahmiyyah, hein. Et donc, ils ne les ont pas condamnés, ils ont juste pris une position de dire, par exemple, nous, on est neutre, hein. Donc, ça, c'est une position également qui est contraire à la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ensuite, le cinquième vers, qui parle toujours encore de cette question-là encore, il dit « وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقًا قِرَاءَةً » Ça, c'est une version parmi les versions de Al-Ha'iyya. Dans d'autres versions, on lit par exemple « وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأْتُهُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ » C'est-à-dire que ne dis pas que le Coran, ce que tu récites, est une création. Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est clarifiée par les termes, par les mots que tu récites. Et donc, ça c'est la bid'a de ceux qu'on appelle al-lafziyya. Ceux qui disent, la parole que je prononce quand je récite le Coran est créée. Hein, ce que je récite, la parole que je récite quand je prononce le Coran est créée. Ça c'est la bid'a de ce qu'on appelle al-lafziyya, et on va voir que cette position-là également est une position d'égarement. Le Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا مذهب ثالث من هذه في هذه المسألة. Donc al-madhhab al-awwal at-tasrih bi anna al-Quran makhluq. Al-madhhab al-thani at-tawaqquf. فلا يقال مخلوق أو غير مخلوق والقول الثالث يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق فيقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق وهذا في الحقيقة احتيال على القول بخلق القرآن فلا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا يجوز أن تقول غير مخلوق بل لا بد من التفصيل إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق ولم تفصل فهذا مذهب الجهمية وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق وهذا أيضا تأييد لقول الجهمية لأنك إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت أدخلت أفعالك مع أفعال الله وجعلت فعلك غير مخلوق وهذا مذهب القدرية الذين ينفون القدر ويجعلون العباد هم الذين يبتكرون أفعالهم ويخلقونها. Donc le cheikh explique que, donc comme je disais, il y a les trois positions, les trois madhhab au sujet de la question de la création du Coran. Le premier, c'est celui qu'on a expliqué dans le troisième vers, ceux qui disent explicitement que le Coran est créé, les Jahmiyyah clairs, on peut dire. La deuxième position, c'est la position de ceux qui se mettent dans la neutralité. Ils disent, on ne dit pas qu'il est créé, on ne dit pas qu'il n'est pas créé. Ça, c'est al-waqifiyya, ceux qui veulent prendre une position de neutralité. Wal-qawlu thalith, yaquluna al-lafzu bil-qur'ani makhluq. Fayaqulu qailuhum lafzi bil-qur'ani makhluq. C'est-à-dire, la troisième position, c'est la position de ce qu'on appelle en arabe al-lafziyya. Ceux qui disent, ce que je récite ou ce que je prononce du Coran est créé. Donc, un d'entre eux dit, par exemple, quand il parle, il dit, par exemple, ce que je prononce du Coran est créé. Il dit ça, en réalité, c'est une ruse. Pour dire que tu crois que le Coran est créé, mais de manière... Hein, de manière subtile, hein, qui n'est pas évidente ou apparente. Et donc, le cheikh, il dit, il n'est pas permis de dire que ce que je prononce du Coran ou ce que je récite du Coran est créé, et il n'est pas permis non plus de dire que ce n'est pas créé. Donc, ce n'est pas permis de dire que c'est créé, et ce n'est pas permis de dire que ce n'est pas créé. C'est-à-dire quand on parle de la récitation, de ce que tu récites ou de ce que tu prononces du Coran. Il faut absolument clarifier et expliquer de quoi tu parles. Quand tu dis ce que je prononce, lafzi, qu'est-ce que tu veux dire par lafz, hein? Et ça, on va voir dans l'explication du cheikh. Donc, il dit, il faut absolument détailler et expliquer qu'est-ce que tu veux dire par cette expression-là. Donc, ça fait partie des exemples, comme je mentionnais dans les cours précédents, des expressions des gens de bid'ah qui utilisent des choses ambiguës pour essayer de se faufiler et pour tromper les gens. Parce que cette parole-là peut vouloir dire quelque chose de vrai, comme elle peut vouloir dire quelque chose de faux. Et donc, si tu expliques pas, et si tu clarifies pas ce que tu veux dire, tu peux justement tromper les gens. Et dans les deux cas, tu peux faire tomber les gens dans une forme d'égarement. Donc, le cheikh, il dit, si tu dis, ce que je prononce du Coran est créé, et que tu ne détailles pas, ou tu expliques pas qu'est-ce que tu veux dire, alors tu tombes dans la voie des Jahmiyyah. Et si tu dis, ce que je récite dans le Coran, du Coran n'est pas créé, également tu tombes dans la voie des Jahmiyyah encore une fois. Hein? Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, quand tu dis ce que je récite du Coran n'est pas créé, donc tu fais rentrer tes actions dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si tu as fait de tes actions quelque chose qui n'était pas créé. Et donc, tu rentres dans la voie de ce qu'on appelle al-qadariya, ceux qui nient la prédestination d'Allah et qui font que les actions que font les créatures sont créées. Hein? C'est-à-dire, il dit, وَيَجْعَلُونَ الْعِبَادِ هُمُ الَّذِينَ يَبْتَكِرُونَ أَفْعَالَهُمْ وَيَخْلُقُونَ. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais tes actions que tu fais toi, comme si c'était toi-même qui les créais. D'accord? Donc, il faut clarifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le cheikh explique maintenant? Bon, il va l'expliquer dans ses mots à lui, mais juste pour vous donner une compréhension plus simple, inshallah, de ce qu'il dit. C'est comme si en réalité, quand tu dis lafzi bil Qur'an, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire soit que tu parles de la parole que tu es en train de prononcer, hein, ou bien que tu veux dire ta voix avec laquelle tu récites le Qur'an. Donc, si tu parles de la parole qui est prononcée et tu dis ce que je prononce du Coran est créé, et que tu parles de la parole elle-même, alors là, dans ce cas-là, c'est comme si tu disais que le Coran est créé. Et si tu dis lafzi bil Coran makhluq, dans le sens que tu dis ma voix est créée, là, dans ce cas-là, c'est vrai. Mais si tu dis qu'elle n'est pas créée, ta voix, là, c'est comme si tu avais décrit une chose créée qui fait partie de tes actions à toi comme étant incréée. Et donc, tu tombes encore une fois dans la voie des Jahmiyyah. C'est pour ça que tu ne peux pas rester dans l'ambiguïté puis dire lafzi bil Qur'an makhluq ou ghair makhluq. Parce que dans les deux cas, tu peux tomber dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'il faut spécifier que si tu veux dire ce que je récite, et les mots que je prononce, ces mots-là sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et elles sont incréées. Mais si tu veux dire ma voix, eh bien dans ce cas-là, il faut spécifier que cette voix, c'est une créature d'Allah. C'est Allah qui a créé ma voix. Et c'est pas la même chose. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre en fait qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer. فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيلِ بِأَنْ تَقُولُ ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن؟ هل تريد التلفظ والصوت أو تريد الملفوظ به؟ Donc le cheikh il dit, tu dois absolument demander à la personne qui dit ça, qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que tu prononces du Coran? Est-ce que tu veux dire ce qui est prononcé dans le sens ta voix et la prononciation avec ta langue et des choses comme ça? Ça c'est créé. Ou bien est-ce que tu veux dire les mots qui sont prononcés et qu'est-ce qu'on entend lorsque la personne récite le Coran? Là, dans ce cas-là, ça c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Il dit فَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَلْفُوظُ بِهِ فَهُوَ غَيْر مَخْلُوقُ وَإِنَّمَا الْمَلْفُوظُ بِهِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ. Hein? Il dit, si tu veux dire par là, ce qui est prononcé dans le sens ce qu'on entend quand tu le récites, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens des mots qui sont mentionnés. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si tu veux dire par exemple amma idha aradta bihi at-talaffuz alladhi tantiquhu bi lisanika fa hadha makhluq. فلسانك مخلوق وصوتك مخلوق ولفظك مخلوق ولكن الملفوظ به المؤدى باللفظ هذا غير مخلوق فلا بد من التفصيل. Donc si tu veux dire par ce qui est prononcé ce que tu fais entendre avec ta langue, hein, le mouvement de ta langue, ou bien y a des choses comme ça. Donc le son ou la voix, ça c'est créé. Hein? Donc si tu veux dire ça, dans ce cas-là, il faut clarifier et dire explicitement que c'est créé. Toutefois, si tu veux dire les mots qu'on prononce et les choses qu'on entend, ça dans ce cas-là, c'est les mots qu'on entend et les lettres que tu récites, ça c'est pas créé parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut clarifier. C'est la même chose aussi quand on dit par exemple que si on dit par exemple qu'est-ce qui est dans le mushaf, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pas créé. Si tu veux dire l'encre et le papier, ça c'est créé. Hein? Comme on l'a expliqué dans les paroles de l'imam Ahmed al-Najmi, l'encre et le papier, ça s'est créé. Mais les mots qui sont contenus dans ce mushaf, et qu'est-ce qu'on lit et qu'est-ce qu'on entend quand on le récite, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est important de bien le comprendre. Donc le Cheikh dit, hum yuridun al-ijmal بأن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول غير مخلوق فيدخلون من هذه الحيلة فلا بد من أن تفصل لا بد أن تفصل لتقطع عليهم الطريق. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent utiliser des paroles qui sont vagues et qui sont pas spécifiques et qui sont pas précises, et en utilisant cette méthode, ils arrivent, donc, en utilisant cette ruse, à te faire tomber dans leur égarement. Donc, ça c'est la méthode des gens de bid'a en général. Ils utilisent des choses vagues, des choses qui peuvent avoir un sens vrai ou un sens faux. Alors, c'est pour cette raison-là que il faut que tu leur demandes de spécifier, de détailler ce qu'ils veulent dire pour que tu puisses leur couper le chemin. Et en général, quand tu vois, par exemple, les réfutations des ulama d'Ahl al-Sunnah contre les jeunes bid'ah, à chaque fois ils les réfutent et ils détruisent leurs arguments en rentrant dans les détails. Et du moment que tu commences à rentrer dans les détails et à clarifier les choses, ils peuvent plus se cacher, ils peuvent plus se faufiler, ils peuvent plus essayer de tromper les gens. Donc ça c'est la meilleure façon. Donc eux, qu'est-ce qu'ils utilisent? Des choses globales, des choses vagues, des choses qui sont pas claires et spécifiques. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans sourate Al-Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Donc, ils prennent les versets qui sont متشابهات, qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Et ils laissent de côté les versets qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont clairs et explicites, qui ne peuvent avoir qu'une seule façon d'être comprises. Et donc, ils jouent avec ça, pour faire de la fitna, pour essayer de l'interpréter, pour égarer les gens. Hein? Donc, ça c'est la méthode des gens de bid'ah. Le Cheikh il dit ensuite, وَلِهَذَا يَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ الصَّوْتُ صَوْتُ الْقَارِي وَالْكَلَامُ كَلَامُ الْبَارِي. Ça, c'est une expression qu'on entend constamment de la part des imams d'Ahl-Sunnah et des ulama. Ils disent toujours, la voix, c'est la voix du récitateur, et la parole, c'est la parole de Al-Bari, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Et Al-Malfouz bihi kalamullah, amma al-lafzu wal-ada, fa huwa kalamul makhlouq. Sautuhu makhlouq, wa nutquhu makhlouq, wa lihada takhtalifu al-qira'at wal-aswat. Ba'duha hasan, wa ba'duha ghair hasan. بعضها جيد وبعضها غير جيد فهذا دليل على أن الصوت مخلوق والقراء يختلفون بعضهم يعطي صوتا حسنا وبعضهم يعطي دون ذلك أما كلام الله فعز وجل فإنه لا بد أن يكون في غاية الكمال. Donc le Cheikh explique, il dit donc que qu'est-ce qu'on récite, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit qu'est-ce qu'on récite, qu'est-ce qu'on récite. Donc, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, la façon dont tu récites, ça c'est créé. Hein? Ça c'est ta voix à toi. C'est une voix qui est créée. C'est ta prononciation à toi qui est créée. Et c'est pour ça que les lectures et les récitations et les voix des récitateurs sont différentes. Et parfois, tu entends quelqu'un qui récite le Coran, tu le dis, il a une belle voix, ou il récite bien. et l'autre tu l'entends, tu dis il récite pas bien. Hein? Donc ça c'est quoi? C'est la différence entre les gens par rapport à leur récitation. Toutefois ce qu'ils récitent, c'est toujours, ça reste toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça reste toujours yani la perfection. Donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Il dit وَمَا كَانَ يَنْبَغِي الدُّخُولُ فِي هَذَا وَلَكِنْ هُمُ الَّذِينَ أَلْجَأُوا الْمُسْلِمِينَ إِلَى هَذَا الشَّيْءِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَشْفِهِ وَبَيَانِهِ فَهِيَ مُصِيبَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ قَيَّضَ لَهَا الْأَئِمَّةَ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ قَيَّضَ لَهَا الْأَئِمَّةَ لِيُبَيِّنُوهَا لَالْتَبَسَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هَذَا الْأَمْرُ. Donc le cheikh il dit déjà au départ il ne fallait pas que les musulmans entrent dans ces questions-là, et dans ces débats-là, et dans ces disputes-là. À la base, ils n'étaient pas supposés de rentrer là-dedans. Mais du moment que les gens de Bid'a sont rentrés dans ces questions, les musulmans ont été forcés par la suite de détailler et de clarifier et de dévoiler la réalité dans ces questions-là. Donc les ulama de l'islam, ils ne sont pas rentrés là-dedans de leur propre gré ou dans le sens que ils ont voulu entrer dans ces questions et dans ces débats-là. Mais on les a, en quelque sorte, forcés à rentrer dans le but de réfuter la fausseté et d'établir la vérité. Et en réalité, le cheikh, il dit, ça c'est une épreuve. Hein, c'est une épreuve et un malheur que ces fitanes se soient produites. Hein, mais Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'avait pas fait venir des imams de l'islam pour clarifier ces choses-là pour les gens, eh bien, les gens seraient dans la confusion aujourd'hui par rapport à plusieurs de ces questions-là. فَمَذَاهِبُهُمْ إِذَنْ ثَلَاثَ. Donc, le cheikh, maintenant, il résume tout ce qu'il vient d'expliquer. الْأَوَّلْ مَذْهَبُ الْجَهْمِيَ الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَالثَّانِي مَذْهَبُ الْوَاقِفَةِ وَالثَّالِثِ مَذْهَبُ اللَّفْظِيَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَفْظِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوق أَوْ غَيْر مَخْلُوق. Donc, les trois positions, c'est la première, c'est la position des Jahmiyyah qui disent que le Coran est créé. La deuxième position, c'est la position de ceux qu'on appelle Al-Waqifah, ceux qui veulent être neutres. Ils disent le Coran, on ne dit pas qu'il est créé, puis on ne dit pas qu'il n'est pas créé. Et la troisième position, c'est ceux qu'on appelle Al-Lafziyya, ceux qui disent ce que je prononce du Coran est créé ou ce que je prononce du Coran n'est pas créé. Donc ça, c'est les trois positions des Gama parmi les positions des gens de les Gama. فنقول لهم لا بد من التفصيل إن كنتم تريدون التلفظ بالصوت فهذا مخلوق وإن كنتم تريدون الملفوظ به المتلو فهذا كلام الله غير مخلوق ولهذا جاء الحديث زينوا القرآن بأصواتكم فيطلب من القارئ أن يحسن صوته بالقرآن وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن بالقرآن وكان يستمع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل لأن الله أعطاه صوتا حسنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع له وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه وهو يسمع وقال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه أول سورة النساء فهو صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن بالقرآن والصوت الحسن نعمة من الله عز وجل. Donc le Cheikh Al-Fawzan il termine en expliquant que on doit leur dire il faut absolument clarifier. Hein? Et ça c'est pour cette bid'a et pour les autres également parmi les gens de bid'a qui sont dans le vague et dans l'ambiguïté et dans qu'est-ce qui est flou, ils veulent jamais expliquer clairement qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc il dit soit vous devez dire explicitement qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites lafzi bil Qur'an makhluq. Est-ce que vous voulez dire la prononciation par la voix? Alors ça c'est créé. Mais si vous voulez dire qu'est-ce qui est récité et qu'est-ce qui est prononcé, ça c'est la parole d'Allah et elle n'est pas créée. Et c'est pour ça qu'on voit des hadiths par exemple qui mentionnent, comme les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Embellissez vos voix, embellissez le Coran par vos voix. » Hein? Ça c'est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah, Ahmad et Al-Bayhaqi et Al-Darimi et beaucoup d'autres également. Et donc, on il est demandé de la part du récitateur d'embellir sa voix lorsqu'il récite le Coran. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la belle voix. Lorsque quelqu'un récitait le Coran, il aimait l'entendre de la part de celui qui avait une belle voix. Et il écoutait parfois la récitation de Abu Musa al-Ash'ari parce que il avait une belle récitation et une belle voix. Hein? Donc il l'écoutait lorsqu'il priait la nuit. Hein? Parce que Allah lui avait donné une belle voix. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé une fois à Abdullah ibn Mas'ud de réciter le Coran pour lui. Et lui, il était assis et il l'écoutait réciter. Et il a dit, j'aime entendre le Coran de quelqu'un d'autre. J'aime entendre la récitation du Coran de quelqu'un d'autre que moi. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud lui a récité le début de Sourate An-Nisa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, ça veut dire qu'il aimait que quelqu'un récite le Coran avec une belle voix. Et d'avoir une belle voix, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, quand on l'utilise pour le bien, comme la récitation du Coran. Toutefois, quand on l'utilise pour chanter des chansons d'égarement et tout, là, dans ce cas-là, bien entendu, c'est pas une ni'ma. Ça devient, au contraire, une punition pour cette personne. Donc, on va s'arrêter ici. Inch'Allah pour aujourd'hui, et on continuera la suite avec le sixième vers après la prière de Dhuhr, Inch'Allah. Et le vers en question, c'est وَقُلْ يَتَجَلَّ اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً كَمَا الْبَدْرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ أَوْضَحُ. Et donc, on va parler du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et l'affirmation de cet attribut ou de cette question de la part des ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa iyyakum.